que es mujer feliz. Tout le monde te compasse, fasse tout qu'on en tire, ou apprendre si ou pas songer. Medun Diallo.